Chapitre 325. L'interdiction d'attribuer la pluie aux étoiles. 1731. Zayd ibn Khalid, radiallahu anhu, rapporte ce qui suit. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dirigea la prière de l'aube, subah, à Al-Hudaybiyya, après une nuit pluvieuse. À la fin de la prière, il se retourna vers les gens et les interrogea. Savez-vous ce que votre Seigneur a dit? Allah et son messager le savent mieux, répondirent-ils. Il a dit, certains de mes adorateurs se sont levés ce matin croyants et d'autres mécréants. Quiconque prétend qu'il a plu, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, croit en moi et renie les astres. Quant à celui qui prétend qu'il a plu par telle ou telle étoile, il me renie et croit aux astres. Al-Bukhari et Muslim.